petit Guillermo Guise, qui n'a pas encore fait jour. Oh là. Ça va les amigos? Oui. Grave. Dites avant de démarrer ma chronique, comme Morgane, je voudrais prendre quelques secondes pour souhaiter la bienvenue à Riyad Satouf. C'est vrai que ça peut être impressionnant cette émission quand tu viens pour la première fois. Et on est là, on est timide, on cherche ses marques et tout. Le présentateur parle fort. On ne sait jamais s'il faut répondre aux questions après 3, 4, 5 minutes. À la fin, on ne sait plus vraiment si c'était une question. D'ailleurs, on se dit peut-être que c'était un prêche. Peut-être que c'était le début d'une autobiographie. Peut-être la personne se sent juste seule. Peut-être qu'à la caisse du supermarché, on ne l'a pas laissé s'exprimer. On ne sait pas. Pauvre Riyad, c'est pas facile de débarquer dans une émission comme ça. Moi, j'avais la première fois où j'avais été invité dans le journal du Hard. J'étais perdu. Voilà. Philippe Vandel m'a mis en confiance. Il m'a dit tu peux enlever ta veste et ton prépuce, mets-toi à l'aise. Et je l'avais gardé, mon prépuce. Sinon, je mets des jours à le retrouver. Et l'autre fois, il était dans le frigo à côté des kiwis. Je dis, après, ça m'étonne que je suis sujet au rhume. Et donc, je comprends que Riyad, il veut travailler avec nous. C'est bizarre. Le dessin, c'est vrai, Riyad, il veut travailler avec nous. Le dessin, c'est formidable, mais surtout quand on est enfant, quoi. C'est vrai. À un moment, t'as envie de faire un métier d'adulte. C'est vrai, genre des chroniques sur une radio sérieuse. C'est prestigieux, c'est bien payé. Avec une pige, tu peux t'acheter une petite plante ou plusieurs écrous. Vraiment, à ce propos, avant d'enfin démarrer ma chronique du jour, je voudrais juste faire un dernier petit préambule. Ça y est, je reste dans l'émission l'année prochaine. Cool. Ouais, je comptais arrêter, mais Nagui m'a fait une proposition que j'ai eu du mal à refuser et tout. J'avoue que, pour être honnête, je sais pas ce que je vais faire avec cette tête de cheval. par Daniel, je connais personne qui bosse dans l'écarissage, mais Daniel m'a dit je lève le pied sur les cadavres d'animaux. Bah comme par hasard, juste quand j'ai besoin de lui. En plus, je commence à m'habituer à l'odeur. Quand je viens ici, je mets de l'huile essentielle sous mon nez et ça passe. Hein. Mais par contre, je viendrai plus qu'une fois par mois la saison prochaine. Et je crois que c'est mieux pour tout le monde en termes de créativité. C'est pas que je m'essoufflais, c'est que je faisais un semi-marathon avec de l'asthme et une variole du singe. Vraiment, il était temps de laisser ma place à du 109. On salue ma remplaçante d'ailleurs, Marion Maréchal Le Pen, à qui je souhaite le meilleur. Vraiment. Et c'est ouf, n'empêche, on m'aurait dit que Tanguy Pastureau avait le bras si long qu'il pouvait placer ses petits protégés. Moi, je l'aurais jamais cru. Moi, je voudrais bien l'avoir, Marion. Tiens, trouver un sujet par semaine pour sa chronique. Je vous ai déjà dit que j'aimais pas les musulmans. Oui, la semaine passée, Marion. En parlant de chronique, il est vraiment temps que je démarre celle de ce matin, même si avant, j'aimerais faire un tout dernier préambule. En vrai, j'ai eu du mal à me concentrer ces derniers jours parce que j'ai adopté un chiot, je vous l'avais mais dit. Ouais, c'est moi qui l'allaite. Trop mignon. Ouais, ça me pompe une énergie. Normalement, je gardais mon lait pour mon muesli et le reste, je le vendais à mon fromager. Déjà, ça me fait un manque à gagner. En plus, ça prend vraiment d'énergie. C'est un chiot de 5 mois que j'ai adopté. Il m'obéit trop. Franchement, dans la rue, je lui dis avance. Il me dit va te faire cuire la bite. Et on en reste là. Et c'est bien. Je fais des balades les moins productives de tous les temps. On reste dehors 2 heures. J'ai fait 11 pas. Mon application santé est en maintenance. Tu vois, vraiment, les ingénieurs croient qu'il y a un bug. Du coup, j'aurais pu vous faire une chronique là-dessus en faisant des blagues sur le fait que pour la première fois de ma vie, je ramasse des merdes de chiens dans la rue, etc. J'aurais adoré faire ça. Mais en fait, il chie dans ma cuisine, juste devant le frigo. Normal. Donc, pas dans la rue. Normal. Je travaille à la bande originale. Hein, donc, j'ai l'habitude qu'on me respecte pas. Mais là, franchement, au début, je perdais patience. Puis je me suis dit, bah non, voilà, le fait qu'il fasse ça devant mon frigo, bah c'est probablement sa façon à lui d'attirer mon attention pour me dire, il est là, ton prépuce, à côté des kiwis. Et c'est peut-être un chien pisteur, on ne sait pas. Mais c'est une responsabilité, je dois lui donner à manger et tout pour qu'il grandisse. Quand je suis devant mon frigo, je lui dis, c'est comme ça. Ah bah continue comme ça, j'arrête de te nourrir. Et ta taille, c'est ta taille, tu feras à l'âge adulte, tu seras le Sarko des yinches. Et il me fait, ah ouais, tu fais des vannes sur le physique des politiciens, je vois que j'ai encore bien choisi mon maître. Je lui dis, va au panier, il me dit, va te faire cuire la bite. Et on en reste là. C'est vraiment bien. Du coup, voilà, je voulais vous dire qu'avant de démarrer ma chronique, je voulais vous donner le contexte pour vous expliquer pourquoi quand je l'ai écrite, c'était plus compliqué. Donc voilà, on peut y aller. C'est parti. Ça va, les amis gosses? Ouais. Allez, bonne émission. Merci, Guillermo.